Bwana Mungu amebariki. Comme nous l'avons annoncé dimanche, Wakavile turimitangazi ya musiko ya yenga. Le pasteur Charles Mukaze est déjà là. Pastori Charles Mukaze aishafika. Il est arrivé depuis hier ici. Arifika tangia jana hapa. Et c'est lui qui doit nourrir nos âmes pendant cette semaine. Ni yeye atalisha manafsi yetu kadiri ya hii juma mzima. L'église de Kambove était dans la joie de le saluer et de le recevoir au nom de Jésus-Christ. Et kanisa Kambove mko mfurua kumsalimia na kumpokelea mjina Bwana Yesu Kristo. Mungu à la maison. Mungu ni kwenu kunyumba. Mkuwe katika salama. Mungu akubariki. Avec joie, nous saluons toute l'église ce soir au nom de Jésus-Christ. Na furaha yote tunasalimia kanisa yote mjina ya Bwana Yesu Kristo. En partant de chez moi, kutokea kwangu, tous les frères et sœurs, banduku bote na badada, m'ont chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Aniambia nimisalimie mjina ya Bwana Yesu Kristo. Et j'ai visité quelques églises. Nalitembea makanisa fulani fulani. L'église de Lubondo. Kanisa ya Lubondo. L'église de Kakanda. Kanisa ya Kakanda. L'église de Fungurume. Kanisa Kufungurume. L'église de Mulungwishi. Kanisa Mulungwishi. L'église de Luambo. Kanisa ya Luambo. Et la dernière en date était l'église de Kambove, plutôt Kapolo Mission. Na kanisa ya mwisho ilikuwa ni kanisa Kapolo Mission. Et toutes ces églises m'ont chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Ima kanisa yote iliniambia nimsalimie mjina Bwana Yesu Kristo. Sans beaucoup tarder, nous pouvons nous lever. Bila ugawia, tunaweza kusimama. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 16. Tutasoma mwa Korinto wa kwanza sura 16. Et nous prendrons le verset 22. Tutachukua mstari ya 22. Bien-aimé Père Céleste, mupendwa baba wa kumbingu, ce soir nous te disons merci. Mangaribi ya leo tunasema asante. Il a permis que nous nous retrouvions en ce lieu autour de ta parole. Uriruhusu tupatikane pa hii fazi kando kando ya neno lako. Pour ce grand privilège, nous te remercions. Jia hii bati tunasema asante. Nous croyons que ta parole est vivante. Tunaamini ya kwamba neno lako iko hai. Ta parole est efficace. Neno lako ikuna nguvu sana. Et ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Na neno lako haiwezi kurudi kwako bila matokeo. Puissions-nous voir cette action surnaturelle. Tunapenda tuone hii tendo ya kimungu. Afin que toute gloire et l'honneur te reviennent. Ili heshima yote na kafumu ikurudirie. Bénis mes frères. Ubariki banduku. Bénis mes sœurs. Bariki badada. Bénis notre pasteur. Ubariki pastori wetu. Ainsi que tous ses collaborateurs. Pamoja na wafasi wake wote. Tous, nous nous attendons à toi. Sisi wote tunajongoja kwako. Nous croyons que tu seras avec nous. Tunaamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi. Par ta parole et par ton esprit. Kupitia neno lako na kupitia roho yako. Sois avec nous ce soir. Uwe nasi mangaribi ya leo. Jésus-Christ soit l'objet de notre adoration. Na Yesu Kristo afate kwa shina ya mabudu yetu. Du début jusqu'à la fin. Mwanzo na mwisho. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Amen. Amina. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Kama mtu asimpende Bwana basi alaniwe. Maranatha. Maranatha. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Vous asseoir. Munaweza kuikala. Toutes les semaines, nous parlerons d'un petit mot. I kadiri juma mzima tutazungumza yule ashina ni msemo mmoja tu. Qui est habituellement sur nos lèvres. Ile kila wakati tukuda isema ukinywa. Qui est devenu même, on dirait, slogan chez quelques-uns. Inakuwa sawa msemo ya kawaida kila watu. Ce petit mot appelé Maranatha. I msemo kidogo wanaita Maranatha. Et c'est ce petit mot que nous essayerons de nous d'exhorter durant toute la semaine. Ni yulu ya imu semu kidoko njo tutapima kuonyana kadiri ya juma mzima. C'est un petit mot composé. Ni musemo kidoko lakini yenye kona mana. Aramaen. Ni ya mukiruga ya aramaen. Il est coupé en morceaux. Manake bana ikatakata bipande. Ya mar. Muku mar. Ya ana. Muku ana. E ya ta. Na muku ta. Mar qui veut dire Seigneur. Mar mana yake ni Bwana. Ana qui veut dire notre. Ana mana yake wetu. Et ta qui veut dire viens. Ta mana yake eko nakuja. En le reliant, il signifie notre Seigneur vient. Kukunganisha bipande ya musemo, iko nasema Bwana wetu eko nakuja. Et dans l'église primitive, na mukanisa ile kumwanjo, le croyant s'est salué par ce petit mot Maranatha. Bamini fubarikuwa na lamukiana kupitia musemo Maranatha. Quand il s'est rencontré quelque part, wakati ile walikuwa nakutanishana fasi fulani, que ce soit au travail, ikiwa ta mukazi, que ce soit en voyage, ikiwa ta musafari, que ce soit au champ ou n'importe où, ikiwa kumashamba wala aizuru fasi gani, il s'est salué par ce petit mot Maranatha. Walikuwa na salimiana kupitia musemo Maranatha. Et ce n'est pas un mot vide de sens. Na aina musemo yasipokuwa na maana. Non. Hapana. C'est une parole d'interpellation. Ni musemo ile inapashi kweli kutupatia tupate kufikiri. Un petit mot de réveil. Ni musemo kidogo lakini ya uamsho. Donc quand on te rencontre quelque part, wakati unakukuta fasi fulani, on te dit Maranatha. Na wakikwambia Maranatha, c'est pour te rappeler seulement. Ni jutu ya kukukumbusha. C'est pour te réveiller. Ni jua kukuamsha. Peut-être tu étais emballé. Sasa zingine ulilengama. Peut-être tu étais distrait. Ulilengama. Mais on vient de dire Maranatha. Sasa bana kwambia Maranatha. C'est pour te dire que, ni jua kwambia kwamba, quelle que soit la préoccupation, aizuru ile kazi unafanya, quel que soit le travail, aizuru mambo ile kunayo, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te trouves, sache que Jésus-Christ vient. Jésus-Christ est qu'on a kucha. Oh, il nous arrive souvent d'oublier l'essentiel. Kila mara inatufikiaga tu kuna sabu vya kabaila. Quand on est emporté par les affaires, sa zingine tunasongwa na makazi. Quel que soit le statut que vous avez, aïe, ou wa kimo kadu wa cheo kadu, et les occupations que vous avez, ataka moku wa kazi kanu unafanya, quand vous dites Maranatha, wakati bana kuambia Maranatha, on t'exhorte, bana kusubutisha, on te rappelle, bana kukumbusha, frère, duku, malgré les travaux, ata vilo unafanya, malgré les occupations, ata vilo unasongwa na kazi, malgré ton statut, ata cheo yako, sache que ujue ya kwamba Jésus Christ est à la porte. Jésus Christ eko kumulango. C'était justement ça. Jo mana ya imusemo. Et c'était dans l'église primitive. Na hii ilikuwa nafanyika mkanisa kumwanzo. Ils attendaient le Seigneur au jour le jour. Barikuwa namchunga Bwana siku kwa siku. Ils l'attendaient du jour au lendemain. Barikuwa namchunga siku kwa siku. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ils gardaient la promesse. Kwani barikuwa namchunga malako. Ils étaient tellement fermes dans la promesse du Seigneur. Barikuwa benyi kusimama imara sana mu malako ya Bwana. Nous trouvons dans Jean 14. Mu malako ile tunaweza kusoma mu Yohane sura 14. De cette promesse. Barikuwa nakumbuka hii malako. En se saluant Maranatha, il se saluait toujours de cette promesse. Mukulamukiana Maranatha manake barikuwa nalamukiana mu hii malako. Oui. Dio. Que votre cœur ne se trouble point. Moyo wenu isivurudike. Croyez en Dieu. Mumwamini Mungu. Et croyez en moi. Na muniamini mimi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Huku makao ya mingi munyumba ya baba yangu. Si cela n'était pas, kama ingekuwa vile, je vous l'aurais dit. Ningemiambia hiyo. Je vais vous préparer une place. Ninaenda kumitayarishia fazi. Et lorsque je m'en serai allé, na wakati ile nitaenda, et je vous aurai préparé une place, na kisha kumitayarishia fazi, je reviendrai. Tarudiaka. Et je vous prendrai avec moi. Na tamichugua pamoja na mimi. Afin que là où je suis, ile kule mimi niko, vous y soyez aussi. Na mwe mupate kuwa kule. Cette promesse, elle est sûre et certaine. Est-ce que vous le croyez? Yamini? Ce n'est pas une fable. Aina fumbo. Ce n'est pas une imagination. Aina mafikili mawazo. Mais c'est une promesse certaine. Alakini ni malako ya kweli. Celui qui a fait cette promesse, alilaka imalako, c'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye mwenyewe. Et la Bible dit, na Biblia anasema, il n'est pas un homme. Ana mutu. Pour tromper. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est lui qui a fait la promesse. C'est un Dieu qui est fidèle. Ni Mungu mwenye kwa mwaminifu. Quand il promet, wakati ya kilaka, quelle que soit la situation, aizuru mambo ile tapita, quel que soit le temps, aizuru wakati ile tapita, quelle que soit la circonstance, aizuru mambo ile tafika, il est tenu. Confirmer cette promesse. Yeye anashika apate kutimiza ile malaka. Il doit accomplir la promesse. Hakika anapaswa kutimiza malaka. Et nous en tant que croyants. Na sisi saba amini. Nous croyons fermement dans cette promesse. Tunaamini kabisa mu malaka. Comme Sarah. Sawa Sarah. La Bible dit. Biblia anasema. C'était par la foi. Ilikuwa ni kwa imani. que Sarah, malgré son âge avancé, malgré son corps usé, malgré cela, il fut rendu capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle crut à celui qui avait fait la promesse. Elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle avait cru que Dieu est capable de changer la situation. Ya kubadilisha mamambo. Elle avait cru que aliamini ya kwamba Dieu est infaillible. Mungu hawezi kama kukotola. Comme il a promis, il doit réaliser. Il a rilaka nafashi kuitimiza. Elle avait cru que aliamini tena ya kwamba Dieu peut faire ce qui est impossible ensemble. Mungu anaweza kufanya kenye kwa changuvu kwa watu. Et nous croyons aussi. Na sisi tunaamini pia. C'est lui qui a donné la promesse. Ya kwamba Mungu ndio alilaka. Il est fidèle. Le Seigneur nous a promis qu'il y a plusieurs maisons dans le royaume de son Père. Et ces maisons sont réservées aux croyants. Il y a une maison pour vous, ma soeur. Il y a une maison pour vous, mon frère. Elle est réservée à vous qui croyez. Il y a une ville au ciel qui est réelle. Oh, même Abraham à son temps. Ata Abraham mwakati yake. Il avait vu cette ville. Na yaliona ile muji. Oui. Ndio. Et il désirait ardemment voir cette ville. Na alitamani sana kuona ile muji. Abraham. Abraham. Il avait vu cette ville. Aliona ka ile muji. Nous lisons ça dans Hébreux chapitre 11. Tunaisoma mwa Ebrania sura 11. Verrez que cela avait changé même le comportement d'Abraham. Mutaona ya kwamba hii ilibadilisha hata namna ya kutenda ya Ibrahimu. Quand nous lisons dans Hébreux 11. Tunaisoma mwa Ebrania 11. Nous lisons le verset 8. Mustari ya munane. C'est par la foi ni kwa imani qu'Abraham, lors de sa vocation, jo Abraham, wakati ya mwito yake, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Ariti na kuenda muichi ila alipashi kupokea sawa uriti. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Na aliendaka bila kujua alikuwa naenda wapi. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Ni kwa imani njo alienda kuikala mwinchi ya malako sawa mwinchi ya kigeni, habitant sous des tentes, mwenye kuikala chini ya mahema, ainsi qu'Isaac, pamoja na Isaka, et Jacob, na Yakobo, les co-héritiers de la même promesse, pale ariti nabo malako moya, car il attendait la cité qui a de solides fondements. Alikuwa anachunga mji yenye kwa na misingi ya nguvu. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ile Mungu ye mwenye ndio aliitunga na ndio aliijenga. Amen. Amina. Au verset 13. 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ni ndani ya imani ndio mule bote walifuia. Sans avoir obtenu les choses promises. Bila kupokea vitu vile walivalaka. Mais ils les ont vus. Alakini balibiona et saluer de loin, na kuipepea kwa mbali, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, venye kujua kwamba walikuwa wakeni na wasafiri pa dunia. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Venye kusema hivi banaonesha ya kwamba wanatafuta inchi. Ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis. Kama walipenda ile yenye balitokamo. Ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Amen. Amen. Votre attention, s'il vous plaît. Mupate kuteka sikio. La Bible dit, Biblia nasema, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, ni kwa imani Ibrahim wakati aliitiwa, quand Dieu l'appelait, wakati Mungu alimuita, par la foi, kwa imani, il a quitté sa patrie. Alitoka inchi yake. Il a quitté son pays. Alitoka mwinchi yake mtaifa yake. Vers un pays qu'il ne connaissait pas. Na kwenda kuinchi la sikujue. Tout simplement parce que Dieu lui avait dit, arrive-t-on de ton pays. Il est au Tchou Mungu, il m'a tout que moi. Voici la maison de ton père. Toka munyumba mama yako. Je vais t'orienter. Takuongoza. Je vais t'amener quelque part. Takupeleka fazi fulani. Et dans la foi, il y a toujours l'obéissance. Na muimani munekalaka paka utiifu. Comme il avait la foi. Kabila alikuwa na imani. La foi et l'obéissance marchent ensemble. Imani na utiifu inatembea pamoja. Il a cru. Aliamini. Et il a obéi. Na kisha riti. Et l'obéissance, l'obéissance devait le conduire. Il devait le faire partir. Il devait agir sur base de la parole de Dieu. C'est pourquoi il a quitté son pays. Sans savoir où il allait. Vers un endroit où il devait recevoir un héritage. Cet appel d'Abraham, c'est le même appel que nous avons reçu. Dieu a appelé chacun de vous. Mungu aliita kila mmoja wenu. Dieu nous a appelés tous. Mungu alituita sisi yote. Si nous nous retrouvons ici, kama tunapatikana hapa, c'est sur l'appel de Dieu lui-même. Ni kufuatana na mwito ya Mungu yeye mwenyewe. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Haina mtu alituita. Ce n'est pas le pasteur qui nous a appelés. Haina pastori alituita. Je crois que si nous sommes ici, na wazee kama tupo hapa, chacun a une expérience personnelle. Kila mtu eko na uonjo yake ya upekee. Chacun connaît quand est-ce que Dieu l'a appelé. Kila mtu anajua wakati gani Mungu alimuita. D'où est-ce que le Seigneur l'a tiré. Na ni fazi gani Bwana. Et tu es quelque part avec le Seigneur. Et maintenant, quand le Seigneur l'a conduit, il l'amène dans un pays appelé Cana. Et c'est un pays bien délimité. Bien délimité. Bien. Lui a donné toutes les limites de ce pays. Mungu alimpatia mamipaka yote ya ile nchi. Il dit, je te donne ce pays à toi et à ta postérité. Anamwambia nakupatia nchi wewe na uzao yako yote. C'est votre propriété. Hii ndio mali yenu. Mais ce qui nous tique un peu, ile inatushangaisha kwanza. La Bible dit, Biblia inasema, il veut s'établir dans la terre promise. Akakuwa kuikana mwinchi ile bali mulaka. Comme sawa dans une terre étrangère. Sawa mwinchi ya kigeni. Habitant sous des tentes. Mwenye kuikala chini ya mahema. C'était bien sûr leur patrie. Kweli kweli ilikuwa ni nchi yabo. Il devrait construire des gratte-ciels, des belles maisons. Alipa shuyenga mo manyumba munene mzuri. Il n'a pas fait malheureusement. Sasa kwa ole ashikuyenge bila. On a juste dressé des tentes. Bariyenga tutu mahema, mahema. Si vous avez déjà été dans des camps de réfugiés, kama munesha mwenda kama makaya bakimbizi. Vous pouvez comprendre ce que signifie les tentes. Mutaelewa maana ya mahema. Si quelques chinois venaient ici à Kambo. Kama wa chinois fulani wakifika mu Kambo. Pour un petit travail. Kwa kazi mwa kidogo. De deux mois. Ya miezi mbili. Trois mois. Je crois qu'ils ne vont pas construire des maisons. Pour ça. Ils vont juste dresser des tentes. Une tente, Emma, c'est une habitation provisoire. C'est une habitation passagère. J'ai déjà été dans des camps de réfugiés. Quand le réfugié afflue quelque part, la terre fait un effort pour dresser deux tentes. Vous êtes là momentanément. On sait que vous êtes des passages. Un jour, on doit vous retourner chez vous. Mais en attendant, restez d'abord sous des tentes. Abraham a habité toute la suite qu'il avait, ont habité sous des tentes. Abraham na bali bote alikuwa nabo barikala chini ya mahema. Pourquoi ça? Dieu a nini fini? Et la Bible signifie dans le verset 10. Na Biblia inasema mu mstari ya 10. Car il attendait. Kwani walikuwa na chunga. La cité qui a des solides fondements. Muji yenye kwa na misingi ya nguvu. Oh, ça c'est merveilleux. Il n'y a tel dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham, un jour il avait rencontré un homme qui s'appelait Melchisedec. Pourquoi il savait qu'il y avait une ville dont Dieu lui-même est l'architecte. Ce n'est pas qu'il lui avait enseigné comme ça. Il n'avait pas encore vu cette ville-là. Mais par la foi. Quand il a rencontré l'homme Melchisedec, au moment où il revenait de la guerre, quand il était allé délivrer son frère Lot, et là il avait vaincu, parce qu'il avait ramené son frère, il l'avait arraché de la mer des imposteurs, des ravisseurs. Et il avait ramené son frère. Et cet homme Melchisedec, la Bible dit, inasema, un homme qui n'avait pas de père, la na baba, un homme sans père, mutu wasipo baba, un homme sans mère, bila mama, un homme qui n'avait ni le commencement des jours, mutu la sikuata na mwanjo ya masiku, ni la fin des temps. Wana mwisho ya masiku. Mais qui était-il? Sasa alikuwa ni nani? Les théologiens aujourd'hui bakufunza Mungu leo disent que cet homme de Melchisedec, banasema huyu mtu Melchisedec, c'est un homme qui a vécu sur la terre, ni mtu la aliishi pa dunia, dans une ville qu'on appelait Salem. Mwinchi ile wanaita Salem. Donc c'est un homme qui a vécu dans un pays quelconque, ou un endroit quelconque, banasema ni mtu dans une ville qu'on appelait tout simplement Salem. Mumuji ile wanaita Salem. Mais Paul, alakini Paulo, par la révélation, kwa ufunuo, il dit que Melchisedec, anasema Melchisedec, le roi de justice, mfalme wa uwaki, le roi de Salem, mfalme wa salama, Salem est venir paix, Salem manake salama, et Salem ou même Jérusalem, jo mana nye ya Yerusalema, il veut dire une ville de paix, manake ni muji ya salama. Ah, donc cet homme-là s'est révélé à Abraham, manake huyu mtu alijifunua kwa Ibrahim, comme étant le roi de Salem, sawa mfalme wa Salem, comme étant le roi de paix. Mfalme wa salama. Et par cette révélation, kupitia ile ufunuo, Abraham avait compris. Ibrahim alielewa. Oh, donc au ciel il y avait une ville. Manake kumbingu kuku muji. Qui est Jérusalem. Yenye kuitwa Jerusalem. Une ville de paix. Muji ya salama. Il ne faisait pas allusion à la Jérusalem terrestre. Alikuwa anaangalia ile Jerusalem pa dunia. Parce que la Jérusalem terrestre n'avait même pas encore existé. Ile wakati Jerusalem pa dunia walikuwa wana. Même si elle avait déjà existé. Hata kama ilikuyaka. La seule Jérusalem. Hii Jerusalem ya leo. Elle n'est pas une ville de paix. Haina muji ya salama. Il y a des kamikazes qui explosent chaque jour. Va kamikazes bana bomona ba bomba kila siku. Il y a des guerres qui se passent chaque jour. Ou ma vita kila siku. Oui, que Jérusalem n'est pas en paix aujourd'hui. Unaona ya kwamba Yerusalemu ya leo haina msalama. N'est pas en paix aujourd'hui. Israeli hana msalama leo. Il est entouré des ennemis partout. Anazungukwa na baadhi fazi yote. Il y a de l'insécurité permanente. Amuna ukingo fazi yote. Mais de l'autre côté. Lakini ile ngambo ingine. De l'autre côté des étoiles. Ile ngambo ingine ya mayota. Nous avons une véritable vie. Tuko na mji ya kweli. Une véritable Jérusalem. Jerusalem ya kweli. Oh, mes chers frères. C'est Jérusalem terrestre. Ni Jerusalem a padunia. Ce n'est qu'une ombre. Ni kimfuri kule. Mais la véritable Jérusalem. Jerusalem ya kweli. Elle est au ciel. Iko kumbingu. Elle est cette Jérusalem. Ni ile Jerusalem. Donc Dieu lui-même. Ndio ile Mungu. Est l'architecte. Ndio alitunga. Oui, mon frère. Ndio ndugu. Il y a une ville. Huku muji. Donc Dieu lui-même. Ile Mungu yeye. Est l'architecte. Ndio alitunga. Oh, ça c'est merveilleux. Ili atamani. Aina hii mashirio ndio unajenga. Kwanza passe ville kale. Partout. Mais ce que Dieu construit, ça doit être parfait. Ça c'est difficile à comparer. Avec quelle ville pouvez-vous comparer cette Jérusalem céleste? Cette Jérusalem, c'est une ville construite par Dieu lui-même. C'est là où vous avez votre maison, ma soeur. Ah, il ne faut pas manquer à ça, mon frère. Il faut manquer toutes choses sur la terre. Mais ne manquez pas au rendez-vous d'aller au ciel. Vous avez une maison. Et cette maison, elle est parfaite. C'est pourquoi je te dis, ne vous troublez pas. Ne vous découragez pas. Qu'il n'y ait rien sur la terre qui puisse vous décourager. Même si vous n'avez pas de travail, ne vous découragez pas. Croyez. Même si tu n'as pas de moyens. Sur la terre. Ne te décourage pas. Croyez au Seigneur. Il y a une ville qui est avec vous préparée. C'est vrai. Dans cette ville. Oh, les routes, elles sont pavées d'or. Dans cette ville, il n'y a pas d'hôpital. Parce que votre santé sera éternelle. Dans cette ville, tu seras jeune éternellement. Ça sera merveilleux. Il y a une ville que Dieu t'allait nous préparer. Et Abraham attendait cette ville. La Bible dit. Et Abraham. Ibrahim. Et Isaac. Et Jacob. Et tous les croyants. De son temps. Ils sont morts dans la foi. Oui. Ils vivaient sous des tentes. Ils ils ont accepté tout. Quand vous lisez leurs témoignages, ils ont accepté d'être dénués, d'être persécutés, d'être sciés. Ils sont morts de différentes manières. Mais ils sont morts dans la foi. Malgré la calamité, malgré la situation, et chacun devait traverser les témoignages. Et qu'ils sont tous morts dans la foi. Sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vus. Et salués de loin. La Bible dit, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Kujua kwamba walikuwa wakeni na wasafiri pa dunia. Oui mon frère. Ndio ndugu yangu. Et ceux qui parlent ainsi. Na wenye kusema hivi. Montre qu'ils cherchent une patrie. Wanaonesha kwamba wanatafuta inchi. Ils avaient vu celle d'où ils étaient sortis. Kama walipenda kama ile inchi mwenyewe walitokaka. Aba kutamania kurudia tena ku Kalde. Ils n'ont plus envie de retourner à Kalde. Est-ce que vous désirez retourner dans le monde? Et tu vois, on appelle dans le monde dunia. Des croyants. Aba waminifu. Ne désirez pas retourner en Kalde. Aba kutamani tena kurudia mu Kalde. Ne désirez pas retourner à Babylon. Aba kutamani tena kurudia mu Babeli. Jamais. Kamwe. Mais une meilleure patrie. Par quoi n'attaque pas une chia musulmane. Même quand on pourrait n'était pas une meilleure patrie. Attaquant un aquaba et quoi une chia musulmane. Aquaba musulmane. Nous sommes ici provisoirement. Tout quoi pour quoi muda. Là où nous sommes sortis. Où la tour est ok. Ce n'est pas intéressant. Aquaba musulmane. On ne peut plus rentrer là-bas. Même en Cana, c'est toujours provisoire. Attaquant un aquaba. Mais nous attendons. À la qui nous tournons. Une véritable ville. Mungi aquali. Toute la tamania. Nous attendons. Mungi munguye peke. Je vous engage. Nous attendons. La cité que Dieu lui-même a construit. Alors il préférait une meilleure. Et la Bible dit. La Bible anasema. Maintenant, il désire une meilleure. Une meilleure c'est laquelle? C'est le Congo? Est-ce le Congo est meilleur? Est-ce le Congo est meilleur? Est-ce qu'il est meilleur? Est-ce Congo est mzuri? Aita kuya kama meilleur si kwa tamoya. Quand sera jamais meilleur? New York, aina meilleur. New York n'est pas meilleur. Paris, aina meilleur. Paris non plus. Johannesburg, aina meilleur. Johannesburg n'est pas bête. Ata unenda mo. Même si vous y allez. On a contemplé ma bâtiment. Vous allez contempler des bâtiments. C'est encore meilleur. Aina tena ya mzuri. La ville meilleure. Mungi ya mzuri. C'est celle qui est céleste. Ni ile ya kumbingu. C'est celle-là que nous désirons. Joyeux est ton atamani. C'est celle-là que nous préférons. Joyeux est ton apenda. Joyeux est Abraham Barcombania. C'est celle pour qui les Abraham était consacré pour obtenir les choses promises. Mais ils sont morts dans la foi. Ils ne seront jamais déçus. La foi que vous avez et l'espérance que vous avez ne vous décevront jamais. Les choses que nous croyons, les choses que nous écoutons, que les pasteurs d'ailleurs nous enseignent, ne nous décevront jamais. Mais ce monde peut vous décevoir. Votre instruction peut vous décevoir. Votre argent peut vous décevoir. Mais cette parole et cette promesse, ceux qui croient en cette promesse, un jour, nos yeux verront le Seigneur. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Voilà les choses que nous croyons. Jo bintu bile shitu na amini. Oui. Dio. Nous lisons dans Luc chapitre 21. Tunasoma Luka sura makumi mbili na moja. En tout cas, on n'aura pas le temps de lire beaucoup de choses. A tout à quoi wakati ya kusoma bitu mingi. Je vous demanderai d'aller lire à la maison. Tamilomba mwende muisome kumulango. Tous les chapitres de Luc 21. Sura yote ya makumi mbili na moja ya Luka. Je parlerai quelques points en survolant. tasema kutukuma nukta fulani fulani kumukuruga ruga. Je vous lis le verset 28. Na misomea mustara makumbi na munane. Quand ces choses commenceront à arriver, wakati bibitu bitanza kufika, redressez-vous, mulamuke, et levez vos têtes, na munyoloshe bicho yenu, parce que votre délivrance approche. Kwani ukombozi yenu inakaribia. Verset 34. Makumi tatu na ine. Prenez garde à vous-même. Musopoke mwe benyewe. Des craintes que vos cœurs ne s'appesantissent par le jeté du manger et du boire. Waboka royenu ishilemewe na ulati ya kula na kunywa. Et par les soucis de la vie. Na kupitia mangaiko ya maisha. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veuillez donc prier en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Ici, ce que je venais de vous dire ici, c'est, on dirait, la conclusion. Ce sont les instructions que le Seigneur nous donne en rapport avec la fin. Na mambo ya mwisho. Avec le signe qui montre que nous sommes à la fin. Na maalama ile kunaonesha sema tunakuwa kumwisho. Et Dieu na Mungu nous donne une instruction. Anatufundisha. Il nous dit comment nous devons nous comporter. Anatuonesha namna gani tunapaswa kujongoza. Mbele ya hii mambo hii tutapitamo. Parce que nous savons que le Seigneur est réellement à la porte. Kwani tunajua kwamba kweli kweli Bwana yuko pa mlango. Dans ce chapitre le Seigneur nous a donné des signes. Mwili sura Bwana anatupatia maalama. Ce sont ces signes là que vous allez lire. Ile maalama mutasoma. Qui nous montre que nous sommes réellement à la fin. Ile natonisha sema kweli kweli tunafika mwisho. Ce sont des signes devant précéder le retour du Seigneur. Ni maalama ile tatanguria kuya kwa Bwana. Le premier signe qu'il a donné. Alama ya kwanza ile alileta. Ni prenez garde. Ya kwamba musopoke. Que personne ne soit séduit. Kushikwa ta mutu moya kutongoziwa. Nous vivons à un temps de grandes séductions. Tukunaishi mwakati ya utongozi mwa munene sana. La séduction est tellement grande. Utongozi kusana munene. Elle est au point de séduire même les élus si cela était possible. Inakuwa mukimo ya kwezi kutongoza hata bateule kama ingewezekana. Au jour d'aujourd'hui, mumasiku ya leo, nous avons des églises partout. On dirait que tout le monde est devenu chrétien. Tukuna makanisa fazi yote munamna ya kwezi kusema bantu bote banakuwa ba Kristo. Ici à Kambo, Umumu Kambo, nous avons beaucoup d'églises. Tuko na makanisa ya mingi sana. Mais par la révélation. Alakini kupitia ufunuo. De la parole de Dieu. Ya neno la Mungu. Que Dieu nous a donné. Ile Mungu alitupatia. Je peux vous déclarer ce matin ce soir. Nawezi umitangazia mangaribi ya leo. Que toutes ces églises sont sous la séduction. Ya kwamba hii makanisa yote ku chini ya utongozi. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Toutes ces églises sont séduites. Vous êtes le seul peuple qui avait échappé à la séduction. Ah, ça je l'ai dit au nom du Jésus-Christ. Vous êtes le seul peuple. Aujourd'hui, même l'église catholique, elle fait des choses qu'elle ne faisait pas auparavant. Iko nafanya vitu bila kwanza kufanya kwa watu. L'église catholique, leo kanisa katoliki, s'est rendu compte que inafumbula ya kwamba si seulement nous nous limitons sur nos rites, tukisimamia tu pa mama, mafundisho yetu, maombi ya Maria, tous les gens vont fuir de l'église. Bantu wote watatukimbia makanisa. Aujourd'hui, kumbi leo, nous sommes habitués mambo ya Roho Mtakatifu. Il faut beaucoup prier. Amener les gens au Saint-Esprit. Pour provoquer des miracles. Mes chers frères, même si les miracles se produisent, au point même de ressusciter les morts, ils sont sous la séduction. Je dis bien, même si on ressuscite les morts, nous ne sommes pas étonnés, ne soyez pas étonnés, soyez pas surpris. Nous sommes étonnés aujourd'hui de voir des soeurs et des frères aller chez Balombi. Maintenant, c'est quand chez les deux frères. On a qu'ils puissent prier pour nous. Mais ça, c'est terrible. Chez moi, j'ai dit que tu n'as jamais crié à la parole de Dieu. Frère, dans cette parole que Dieu nous a donnée, nous savons tout. Il y a des prophètes que Dieu nous a donnés. Ici, à Kambo, nous avons les pasteurs là-bas. Et les hommes de Dieu sont là-bas. Ils ne sont pas prophètes. Voilà les prophètes. Vous ne les croyez pas ici. C'est comme ça que sont les choses. Dieu nous a donné des serviteurs des vrais. Il ne manque de rien. Même si nous sommes malades, acceptez seulement qu'on vous impose la main. Et croyez que c'est Dieu qui vous guérira. Ce n'est pas un homme qui guérit. Souvent nous pensons que La guérison vient de Dieu. C'est pas un homme. Non. C'est pas un serviteur qui apporte la guérison. Mais Dieu-même. Un jour, frère Branham avait organisé une ligne de prière. Et dans cette ligne de prière, il y avait une sœur qui avait son enfant. Son enfant malade. Et la sœur était dans la ligne. Amenant son enfant pour que frère Branham puisse prier. La ligne était tellement longue. Pendant que la sœur avançait avec l'enfant, à côté, il y avait une sœur en Christ. Dieu donne l'ordre à cette sœur. Il impose les mains à cet enfant-là. Même la sœur n'en revenait pas. Mais la parole a tellement insisté. C'était un cas. Impose-les à cet enfant. Finalement, il dit à cette sœur qui portait son enfant. Je peux prier pour l'enfant. Il n'y a pas de problème. Dada na sœur, apana mambo. La sœur a imposé le dada na mweke mikono pour l'enfant. Mutoto. Et Dieu l'a guéri instantanément. Mungu anamponya pale pale. Là, sur place. Paka pale. Mais la sœur qui posait l'enfant. Kaso le dada ruwa mutoto. Ne croyez pas. Ashikuamini vile. Malgré ça, on a quand même prié, mais j'avance. Mzuri atavino na nyumba. Il faut atteindre le chofe mbele kule kukunduku brana. Il a avancé. Kuchofa mukuchofa. Avec l'enfant. Anafika pale amchofa. Elle arrive là où il y avait frère Branham. Anafika pale par kwa nduku brana. Frère Branham par discernement. Nduku brana mukutambua na roho. Mais cet enfant. Akamwambia il est déjà guéri totalement. Kabisa. Mais là, c'est dit, mais je tiens pour que vous puissiez quand même plus de sur les champs. Pale. Dieu a donné la vision à frère Branham. Mungu akampatia ono ndugu et dans la vision, frère Branham a vu comment cette sœur l'a prié pour l'enfant. Ndugu Branham anaona namna gani la sœur l'a prié pour l'enfant. Dieu l'a guéri instantanément. Frère Benham a répété ça à ce frère. Mais cet enfant, il y a une soeur qui a prié pour elle. Au moment où la soeur a prié, à l'instant même, Dieu l'a guéri. Partez. Ni mambo ya imani. Ça demande la foi. Jésus disait toujours. Yesu alikuwa anasema kila mara. Ta foi t'a sauvé. Imani yako inakuokoa. Ta foi t'a guéri. Imani yako inakuponyesha. Ya maombi. Ni mambo ya imani. Ça ne demande pas, ce n'est pas question de prière, c'est question de foi. Tout simplement. Kunaisha. Rappelez-vous de cet homme-là, centenier. Mukumbuke kwanza. Il n'était même pas un juif. Mukubwa wa ba. Il avait son serviteur qui était malade. Et quand il a entendu que Jésus-Christ guérissait les malades, il s'est avancé. Il a dit au Seigneur, Seigneur, j'ai un homme qui est malade. Un serviteur est malade. Je veux solliciter ton secours. Jésus dit, ok, merci. J'irai guérir cet homme. Et il s'est rétracté la dimanche. Il a dit, écoute, usikie. Moi je suis un homme. Mimi ni kumuntu. Je ne suis pas digne. Mishi staili de te recevoir sous mon toit. Kukupokelea mu nyumba yangu. Mais alakini, je suis un officier. Niku mu jemadaru wa jeshi. J'ai des militaires sous mes ordres. Niku na askari wako chini yangu. Quand je dis à l'un, viens. Nikimwambia moja kuja, atakuja. J'ai dit à l'autre, nikimwambia mwingine wende. Il s'en va. Atenda. Moi qui suis un homme, je peux donner des ordres. Ça. Ta mais toi, sasa tu es le Seigneur. Kwa buwana, tu n'as pas besoin de te déplacer. Auna na rusa interna, mutuka, et mon serviteur, tu seras guéri. Atapona. What? Tu n'as pas ta imani. Où est-ce qu'on aura la foi? Il est passé dans Israël. Qui s'est retrouvé en Israël. J'ai dit, Yesu même en Israël, je connais je n'ai jamais vu une foi pareille. Dada, kamura imani. Ma sœur, si tu as la foi, Uku, ici, imani, itafanya mambo. La foi fera quelque chose. Imani yako, ta foi seule, itaweza kutenda majabu. Elle fera des merveilles. C'est vrai. Bien kweli. Vous voyez, Mwami, il y a beaucoup de séditions dans cette histoire des ballons. Oui, ba, et les gens sont séduits. Et les gens, beaucoup de gens katawa, on les amène tawa, comme de l'eau qui coule. Au point où, on trompe aux gens. On prend les petites bouteilles d'eau que nous achetons à 500 francs. Et tout, 500 francs. Aujourd'hui, Léoï, les gens s'enrichissent. Bantu bana win, bana pata pesa. D'une manière illégale. Muna muna moi ya chipo kwa ya kuyoloka. On prie pour cet eau-là. Banombe le mai. Eh, on dit aux enverrés. Na bana bia bantu mkwe vunze imai. Ya 10 000 francs. Ya 10 000 francs imai tu nombe ya. Il y a même des frères qui sont tentés d'aller acheter cet eau-là. Muna bantu kubengine wana pima wenda kuza ile mai. Vous avez cet eau. Na kuza ile mai. Vous êtes guipé dans la maison. Tu as kumwangia munyumba. La malédiction va partir. Malana itoke. Si vous êtes guipé dans la maison. Qui mwangia munyumba. Si vous déversez cette eau sur votre corps, vous serez guéri. Utapona, vous aurez la bénédiction. Baraka. C'est faux. Ni bia bongo. C'est faux. Ni bia bongo. Et que posez-vous la question. Cette pratique-là. Il est où est-ce que vous la trouvez dans les Écritures? Parmi les apôtres. Est-ce qu'il y a des apôtres qui faisaient ça? C'est des idolâtries. Il est quoi boudou, quoi sanamu. Il est quoi boudou sanamu. C'est de l'idolâtrie. Vous avez besoin de prière. Unahitaji makombe. Ici, nous faisons des prières. Hapa tu kunaomba. Gratuitement. Ya boule. Tout ce que Dieu fait dans le plan de salut. Bile biote Mungu anafanya mumapu ya wokovu. Il le fait gratuitement. Eko na vifanya bia boule. Quand vous lisez Isaïe 55. Ukisoma Isaïe 55. La Bible dit. Biblia nasema. Vous qui avez soif. Wewe mwenye kuwa na kiu. Venez aux eaux. Ukwe ku maji. Venez, mukuye, mangez, mukule, buvez, mukunywe. À quel prix? Ubeikani, sans argent. Il a voulu pas. Sans rien payer. Il a fait ça. Dieu nous sauve gratuitement. Mungu anatokola biabule. Le salut. Okofi. Et la guérison. Na utunzo. Marche ensemble. Binatembea pamoja. Jésus est mort. Yesu alikufa. Pour que nos âmes soient sauvées. Tu manafsi yetu yokolewe. Gratuitement. Biabule. Il est mort. Arikufa. Pour que nos corps soient guéris. Jamili et tuitunzo. Gratuitement. Via boule. Comment est-ce qu'on peut vendre la prière? Sasa namna kani kuzisha maombi. Non, c'est pas correct. Apana, inesawa. Hapana ndugu yangu. Même si Dieu vous a donné les dons. Ataka Mungu alikupatia zawadi. Des guérisons. Ya utunzo. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia nasema vous avez reçu gratuitement. Vous pokea bia bule. Donnez aussi gratuitement. Na mwe mtoe bia bule. On ne peut pas échanger ça contre l'argent. Hawezi kubadilisha kufeza. Non mon frère. Hapana ndugu yangu. Et il y a la sélection qui bat son record partout. Na utongo zina yala fashi yote. Dans tous les domaines. Ah. Sur la parole, là n'en parlons même pas. Les gens sont séduits à tous égards. Oui, parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole. Jésus a parlé des signes naturels. Jésus a parlé des signes naturels. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Ces choses-là, nous les entendons. Nous les voyons même dans notre pays. Jésus a parlé des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, ce qui se passe à Goma, vous le voyez sur les écrans. Goma, ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est une belle ville. Goma, le pasteur a été là, j'ai aussi été là, on peut arriver au point de délocaliser. C'est vrai d'aujourd'hui, qui vont délocaliser ces gens-là? Toutes ces catastrophes-là arrivent pour accomplir la parole de Dieu. Jésus a parlé de la famille. Aujourd'hui, malgré la technologie, malgré qu'il y a les ingénieurs en agronomie, il y a des tracteurs, cela n'a pas arrêté l'affaire. Aujourd'hui, même les pays qui nous entouraient en Afrique, les pays qui étaient économiquement forts, les pays qui nous ravitaillaient même en terres alimentaires, par des sécheresses et par des inondations, ces pays sont frappés aussi par la famille pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Mes frères, tout ce que Dieu a dit, nous le voyons sous nos yeux. Sur le plan mondial, nous avons le réchauffement climatique. Qui ne sent pas les effets du réchauffement climatique? Parce que c'est un problème qui est mondial. Même aux États-Unis, même à Cambodge, tout nous ressentons le réchauffement climatique. Et les nations cherchent des solutions. Même dans notre pays, on dit même que d'ici 2030, il faut qu'il n'y ait plus d'un milliard d'arbres. Malgré toutes les dispositions, c'est vrai. La parole de Dieu s'accomplit sous nos yeux. Neno la Mungu inatimilika macho yetu. Il ne faut pas arrêter ça. Kuishimamisha. Aujourd'hui, leo hi, c'est pour la première fois. Jomala ya kwanza. Dans le monde, mudunia mzima, qu'une maladie atteigne le monde entier au même moment. Magonjwa moya inayambukiza ulimwengu mzima wakati moya moya. Magonjwa inambukiza dunia mzima. La maladie affecte le monde entier au même moment. Aujourd'hui, nous portons des cache-nez. Dunia mzima. Le monde entier. A bougé, le monde a bougé. Et vous savez, Frère Frank dit, ce qui va arrêter cette maladie, il est à Chimamiché Magonjo. Il n'est pas vaccin. Ce n'est même pas les vaccins. Il faudrait que la maladie atteigne son pic. Il n'a pas Chimagonjo, il fait que moi, il y a ah, il n'a pas choix. Vous connaissez ça, vous prévoir, vous me faire un thème. Et Magonjo, il était au avant tout d'un million. Pas comme un tout d'un million, ben là, la Chine. Si Dieu a prévu, en arrêtant les démons, ça m'a dit, résiste-toi de la paix. Si Dieu a prévu que cette maladie, si tu es 2 millions, il faudrait que ça atteigne son pic. Pour s'arrêter, mon goût, tu nous as ouvert. Nous lui donnons raison dans tout ce qu'il fait. Chéria, oui, les yotes qu'on a fait. Oui, mon frère. Dieu, en tout cas, il faut que la maladie atteigne son pic. Il n'a pas chez Magonjo, il fait que mon kiff gousse. C'est alors que la maladie va c'est la main de l'Éternel. Ni mkono wa milele njoo inashimamisha. Ce n'est pas pour vous dire que nous ne devons pas porter les masques. Ah, nous devons les porter. Les masques. Tout à nous sommes des chrétiens. Nous sommes des gens qui honorent même les autres. Mais nous vous disons les autorités. À la qui nous si nous ne sommes pas atteints, c'est Dieu qui nous le prépare. C'est ça mon frère. Tout ça s'accomplit la parole de Dieu. Parce que Dieu avait déjà parlé de paix. Dans les écritures. Il y a un grand signe que le Seigneur nous a donné en retour avec ta venue. C'est le retour d'Israël dans sa patrie. Ça, c'est un grand signe. Israël, qui était dispersé après le rejet du Messie, il y a de cela 2000 ans, Jésus avait promis, quand ce pays-là, quand ce peuple reviendra dans sa patrie, faites attention. Musopoke mwangalishishe. Sachez que muyue ya kwamba kuja kwangu kuna karibia. Mon retour est proche. Et aujourd'hui, na leo hii, nous voyons tous ces signes sous nos yeux. Tukunaona hii maalama yote mu mecho yetu. Israël est déjà rentré dans sa patrie. Israël naisha urudia kama nchi yake. Et la deuxième chose qui s'ensuit, na kitu kia pili kile kinafuata. Toutes les nations, mataifa yote, ont manifesté l'antisémitisme. Barionesha hii mambo ya kuchukia kuchukia Israeli mataifa yote wanachukia wa Israeli bayuda mataifa yote sauf nous kutosha mpaka shiba Kristo sauf nous mpaka shiba Kristo bote wanachukia Israeli tous manifeste l'antisemitisme nous le peuple de Dieu chi taifa ya Mungu tuku na bariki le taifa. Même dans nos prières, tout. Nous prions toujours. Tout nombre à qui la mana. Bénis ton peuple. Bari qui t'aille faire quoi Israéli. Même quand Israël. Attaque ma Israéli. A tué autant de Palestiniens. Anaou à Palestine autant. Nous disons Seigneur. Bénis Israël. Bari qui Israéli. Et comme le monde a développé une haine contre Israël. C'est-à-dire le dunia mzima inakuwa na chuki mingi yule ya Israeli. Cela va les amener à la guerre d'Armageddon. Ni karibu na kuleta ile vita Armagedoni. Après l'enlèvement de l'époux. Kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi. Les nations vont s'attaquer à Israël. Mataifa itamkombanisha Israeli. Tous les Arabes. Arabu wote. La Russie à la terre. Russia kukichwa yao. La Chine. Chine kukichwa. Et tous les pays. Na bamanchi yote. Vont s'attaquer contre Israël. Batamkombanisha Israeli. Israël disparaît. La Israël apoteye pa dunia. Mais l'Éternel. Arakini wa milele. Combattra pour Israël. Atakombania Israeli. Oh, c'est le peuple de Dieu. Oh, ni taifa ya Mungu. Qu'il soit béni. Ni barikiwe. Alors la Bible dit, Biblia nasema, quand vous verrez tous ces signes, wakati mutaone hii maalama yote, redressez-vous. Mushimame mulamuke. C'est le Seigneur le main. Njoo ile bana tuomba. Redressez-vous. Mulamuke. Mulamuke. Redressez-vous. Mushilengame. Oui, mon frère. Dio ndu. Que rien ne vous distraye. Kushikweki akumilengamisha. Il n'y a pas de temps. Hakuna tena wakati. Yesu Kristo yuko nakuja. Réveillez-vous. Mulamuke. Levez vos têtes. Na mulamushe bicha bienu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que votre délivrance. Kwani ukombozi yenu inakaribia. La délivrance est encore. Ukombozi ya il est prêt. Iku ya kweli. Oh mes frères. Nduku. Kuja kwa Kristo. Le retour de Christ. Una karibia. Approche. Et Dieu donne encore une autre indication. Mungu analeta tena alama ingine. Que vos cœurs ne s'appesantissent point. Yoye yenu shileme. Par les excès du manger et du boire. Mambo a bulafi na kunywa. Et par le souci de la vie. Na yule mangaiko ya maisha. Aujourd'hui, leo hii, c'est ça la chose qui a étouffé la foi de beaucoup d'enfants de Dieu. Kinasonga imani ya watoto ya Mungu wa mingi. Ni mangaiko ya maisha. Inakuwa ni mwimbo ukila kinywa mwaminifu. C'est devenu toute une chanson dans toute la maison. Il y a des soucis de la guerre. Oh, ma les projets n'évoluent pas. Les gens, ça ne va pas. Ceci ne va pas. La Bible nous dit Biblia natuambia que mon cœur yenu ne soit pas étouffé par les soucis de la vie. Ile mangaiko ya maisha. Tu n'as pas kufikiria mambo ya maisha. Commence seulement à méditer sur les soucis de la vie. Oh, je n'ai pas construit. Les autres construisent, moi je n'ai pas encore construit. Les amis ont des voitures, moi je marche à pied. Mon frère, Tukuyangu, c'est le moment. Ce n'est plus le temps de chercher à construire. Vous devez prendre la décision de dire, les autres, il faudrait que j'aille aussi le Saint-Esprit. Parce que sans cela, il n'y a pas façon de partir. Même si vous chantez bien, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu resteras avec ta belle maison. Si vous vivez dans une bicoque, si vous avez le Saint-Esprit, la bicoque restera et vous viendrez à la belle maison. Oui, le Saint-Esprit. Ne soyez pas inquiets des amis. Aujourd'hui les sœurs s'inquiètent. Les sœurs sont inquiètes. Oh les amis, mais même quand vous allez chez cette sœur là qui se plaint beaucoup. Dieu est en vous. À cause des amis, elle peut vous sortir une valise pleine d'habits. Y a mangu au télé. Mais vous prenez rien. Ce ne fait que se plaindre. Elle n'est pas satisfaite. Aïe aïe aïe mouenéye. Même si on t'habille, ça va encore pourrir. Ça va pourrir. Ça va faire. Un moment même c'est corrigé, ça va caler. À taille, oui, mais je ne vais pas donner bitongo bitongo. On sera plus chic. Oui, le caler, oui. Le corps va caler. Tout est amélioré. Parce que toi, c'est oui. Nous sommes en train d'envier qu'on comporte un corps de gloire. Ah, je vais te compagnie. Voilà les choses pour lesquelles il faut se battre. Veillez et priez afin que vous ayez la force. Vous savez pourquoi nous prions? Nous prions pour que Dieu nous donne la force de vivre sa parole et Dieu nous donne la force de faire face aux tentations, de surmonter les tentations. Ce sont là les indications que Dieu nous donne. Élevez vos têtes. C'est-à-dire, ne soyez pas distraits. Réveillez-vous du sommeil spirituel. Et pour garder le réveil spirituel, nous devons entretenir cela par la prière. Priez beaucoup. Priez en tout temps. Pour que vous ayez chaque fois la force de tenir. Et aussi, Natena, de vous tenir debout yakusimama buima devant le fils de l'homme. Bele ya mwana wa mtu. Ah, on continue demain. Tutaendelea kesho. Mungu anibariki. Ah.